Sophie, Sophie, ma 500 kilos d'amour n'a même pas monté. Ni la bonne moto, la bonne moto, la bonne moto. à moi. José Dilouye, José Dilou, Valentine Vava. Fanda, Yaya Lona, Emily.